Normalement, avec un bon diagnostic, ce genre de situation ne devrait pas arriver. C'est pourquoi, lors des entrevues préliminaires, je prends toujours soin d'inclure la question « Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez me dire ou que je devrais savoir par rapport au conflit pour être plus efficace lors de mon intervention? » Néanmoins, il peut quand même advenir un cas où une information nouvelle vient tout débalancer. Dans ce genre de situation, c'est très important de ne pas faire comme si de rien n'était, mais de faire une pause dans le processus, d'expliquer aux participants qu'une nouvelle information vient changer un peu votre diagnostic et prendre le temps de revoir comment vous pouvez ajuster le tir. La recette est donc simple, être transparent et prendre le temps d'ajuster son intervention.